Chapitre 24e. Louis-Philippe Scatcherd. En arrivant à Boxall Hill, le docteur Thorne y trouva M. Rerechild de Barchester, qui était arrivé avant lui. Lorsque son mari avait perdu connaissance, la pauvre Lady Scatcherd, au désespoir, avait à peine su quel parti prendre. Elle avait d'abord envoyé chercher le docteur Thorne, mais elle avait cru que dans un aussi pressant danger, un seul médecin ne suffirait pas. Elle savait qu'il était inutile de demander le docteur Philgrave, qu'aucune considération humaine n'eût fait revenir à Boxall Hill. Et comme M. Rerechild passait pour le meilleur praticien après cet illustre prince de la science, elle s'était décidée à réclamer son assistance. M. Rerechild était le partisan et le très humble ami du docteur Philgrave, qu'il respectait comme un oracle. Il ne pouvait donc être que l'ennemi du docteur Thorne. Mais M. Rerechild avait une nombreuse famille. C'était de plus un homme prudent et discret qui blâmait les jalousies de métier et qui savait que dans le monde médical, un ami vaut mieux qu'un ennemi. Il n'était donc nullement disposé à prendre les armes d'un autre pour s'en servir contre lui-même. Quand il avait appris l'affront que son ami avait eu à essuyer, il avait exprimé tout haut sa sympathie pour le docteur Philgrave et son horreur pour les procédés insolites du docteur Thorne. Mais au moment de se trouver en contact avec ce dernier, il se souvint que la réputation du docteur de Greshamsbury était au moins égale à celle du médecin de Barchester, et que selon toute probabilité, cette réputation irait en augmentant, tandis que celle du docteur Philgrave commençait déjà à décliner. En conséquence, il résolut de profiter de l'occasion qui se présentait pour se faire un ami du docteur Thorne. De son côté, Lady Scatcherd, qui se doutait de l'intimité du docteur Philgrave et de M. Rerechild, crut devoir prendre quelques précautions pour éviter tout conflit désagréable, mais M. Rerechild s'empressa de la rassurer. « Lady Scatcherd, j'ai le plus profond respect pour le docteur Thorne. C'est un médecin très entendu, un peu brusque, un peu obstiné peut-être, mais après tout, chacun a ses défauts. »« Oui, c'est bien vrai, M. Rerechild. » « Voilà mon ami Philgrave, il est trop susceptible. Je trouve qu'il a tort, et je le lui dis bien souvent. » M. Rerechild s'écartait légèrement de la vérité, car jamais il ne s'était hasardé à faire une pareille observation à son ami Philgrave. « Il faut savoir supporter les défauts des autres, » continua-t-il. « Le docteur Thorne est un excellent homme dans son genre. » Cette petite conversation eut lieu après la première visite de M. Rerechild. Nous ne dirons pas quelles furent les premières mesures qu'il prit pour soulager son malade. Il est probable qu'elles furent aussi efficaces pour retarder l'instant fatal que celles qu'eussent employées le docteur Philgrave ou le grand sœur Omicron Pie lui-même. Le docteur Thorne arriva peu après. « Oh, docteur, docteur !» s'écria Lady Scatcherd en se jetant presque à son cou. « Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il est bien mal » a-t-il parlé? « Non. » Il n'a pas prononcé un seul mot. Quelques sons inarticulés, voilà tout. Docteur, docteur, il n'a jamais été si mal. Il était facile de voir en qui Lady Scatcherd plaçait la confiance qu'elle pouvait avoir dans la médecine. « Monsieur Rerechild est ici, » continua-t-elle. « J'ai pensé qu'il valait mieux faire chercher deux médecins en cas d'accident. Il lui a donné quelque chose, je ne sais quoi. Mais vous, docteur, vous me direz franchement ce qu'il en est. C'est de vous que j'attends la vérité. » Le docteur Thorne se rendit auprès du malade, et s'il s'était conformé littéralement à la demande de Lady Scatcherd, il lui aurait déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais il ne s'en sentit pas le courage, et se contenta de lui dire, à la manière des médecins, qu'il regrettait d'avoir à lui annoncer que l'état de Sir Roger était très alarmant. Il promit de passer cette nuit à Boxall Hill et la suivante, si cela lui était possible. Lady Scatcherd se trouva alors assez embarrassée, car M. Rerechild déclara également qu'il était décidé à passer aussi la nuit auprès du malade. La vie d'un homme comme Sir Roger, dit-il, était une chose assez importante pour que toute autre considération s'effaçât devant celle-là. Il ne permettrait certes pas que le docteur Thorne supportât seul toute la fatigue d'une nuit de veille. Un changement pouvait s'opérer vers le matin, etc. « Dites-moi, docteur, » fit Lady Scatcherd en attirant le docteur Thorne dans la chambre de sa femme de charge. « Entrez donc un instant ici. Vous ne pourriez pas lui dire que nous n'avons plus besoin de lui ?»« À qui ? Demanda le docteur. Mais à M. Rothschild, ne pensez-vous pas qu'il peut s'en aller ? Le docteur lui fit observer que M. Rothschild pouvait s'en aller si cela lui plaisait, mais qu'il était impossible à un médecin d'en congédier un autre. M. Rothschild fut donc libre de rester. Pendant ce temps, le malade n'avait pas recouvré la parole. Mais bientôt, il devint évident que la nature faisait de violents efforts pour rallier une dernière fois les forces qui lui restaient. De temps en temps, il gémissait et se plaignait comme s'il avait eu sa connaissance et qu'il eût voulu essayer de parler. Peu à peu, il revint à lui, ou du moins, il redevint sensible à la douleur, et le docteur commença à croire que le dernier moment n'était pas encore arrivé. « Il a une constitution d'une force extraordinaire, » dit M. Rothschild. « Qu'en pensez-vous, docteur Thorne ?»« Oui, c'était un homme très robuste. »« Aussi robuste qu'un cheval, docteur. »« Quel homme, s'il l'eût voulu. »« Vous connaissez sans doute son tempérament ?»« Oui, passablement. Il y a plusieurs années que je suis son médecin et son ami. »« Il a toujours bu, n'est-ce pas ? Toujours. »« Ce n'était pas un homme sobre. »« Le cerveau est tout à fait pris. » Et cependant, voyez les efforts qu'il fait, n'est-ce pas un cas très intéressant? Il est triste de voir une pareille intelligence si complètement paralysée, dit le docteur. Triste, très triste en vérité. Je suis sûr que le docteur Filgrave aimerait à étudier un cas semblable. Filgrave est habile dans son genre, vous savez. Je n'en doute nullement. Ce n'est pas que je crois qu'il puisse y porter remède. Il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas tout à fait de notre temps, si je puis m'exprimer ainsi. Il a une clientèle très nombreuse, dit le docteur Thorne. Aussi s'est-il fait un bon capital. Il a mis 6 000 livres sterling de côté, et c'est une jolie fortune pour une petite ville comme Barchester. Certainement. Je dis toujours à Filgrave, ouvrez un peu les yeux. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Il y a toujours quelque chose à glaner. Mais il ne veut pas me croire. Il ne veut pas admettre qu'il puisse y avoir quelque chose de bon dans les idées nouvelles. De cette manière, un homme s'expose à être mis de côté. Ils en étaient là, de leur conversation, lorsqu'on vint les prier de se rendre auprès du malade. « Il va beaucoup mieux, » dit M. Rothschild à Lady Scatcherd. « Il y a tout lieu d'espérer qu'il se remettra, n'est-ce pas, docteur Thorne ?»« Oui, il se remettra, mais je ne saurais dire pour combien de temps. » « Oh non, certes, il serait impossible de rien affirmer, mais il va beaucoup mieux, Lady Scatcherd. »« Combien de temps lui donnez-vous encore ?» demanda M. Rothschild au docteur Thorne lorsqu'ils se trouvèrent de nouveau seuls. « 10 jours, ou tout au plus 15, pas davantage. Mais je crois qu'il peut bien encore lutter 10 jours. »« Peut-être, je ne saurais le dire au juste. »« Non, certainement, on ne peut rien préciser, mais je n'en dis pas moins 10 jours. » « Quant à sa guérison, vous savez, cela est tout à fait impossible, » dit gravement le docteur. « Tout à fait, tout à fait. L'estomac détruit, le cerveau complètement pris. Avez-vous remarqué les périporolides ? Je ne les ai jamais vus si enflés. Or, quand les périporolides sont ainsi enflés... Oui, c'est ce qui arrive toujours quand la paralysie est causée par l'abus des boissons. Toujours, je l'ai toujours remarqué. N'est-ce pas un cas très intéressant ? Je voudrais bien que Filgrave pût en juger. Mais je crois que vous n'êtes pas très bien ensemble. Non, pas tout à fait, dit le docteur, qui ne put s'empêcher de sourire en pensant à la scène tragicomique à laquelle la colère de ce savant Esculape avait donné lieu dans le vestibule. Rien ne put décider Lady Scatcherd à prendre quelque repos, mais les deux médecins se retirèrent chacun dans une chambre contiguë à celle du malade. Comment un homme aussi bien soigné ne s'en fût-il pas trouvé mieux ? Il va mieux, beaucoup mieux, Lady Scatcherd. Telles furent les dernières paroles de M. Rothschild en se retirant. Mais le docteur Thorne, prenant la main de Lady Scatcherd, la conduisit dans une autre chambre et lui avoua la vérité. « Lady Scatcherd, lui dit-il de sa voix la plus tendre, et sa voix était bien douce quand il le voulait. Lady Scatcherd n'espérait plus. Il y aurait de la cruauté à vous laisser espérer. « Ah, docteur, docteur, ma pauvre amie, il n'y a plus d'espoir. « Ah, docteur Thorne, » répéta la pauvre femme en le regardant avec effroi. « Ma bonne Lady Scatcherd, ne vaut-il pas mieux que je vous dise franchement ce qu'il en est ?»« Oui, oui, je le suppose, mais hélas, hélas, » dit-elle en se balançant sur sa chaise et en se couvrant le visage avec son tablier. Que ferais-je? Que deviendrai-je? Cherchez des consolations auprès de celui qui seul peut vous en donner. Oui, oui, oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais, docteur Thorne, il doit y avoir quelque espoir. N'y a-t-il vraiment aucun espoir? Cet homme me dit qu'il va beaucoup mieux. Je crains qu'il n'y ait plus d'espoir, Lady Scatcherd. Selon moi, il n'y en a aucun. Alors pourquoi cet homme vient-il débiter de semblables mensonges à une pauvre femme? Mon Dieu, que deviendrai-je, docteur Thorne? Que deviendrai-je? Et la pauvre Lady Scatcherd fondit en larmes. Et cependant, qu'avait fait pour elle son mari pour qu'elle le pleurât ainsi? Sa vie ne devait-elle pas être bien plus tranquille lorsque la cause de tous ses chagrins n'existerait plus? Ne serait-elle pas libre au lieu d'être esclave? Et ne commencerait-elle pas alors seulement à jouir du bonheur de vivre? Quel bien lui avait fait ce tyran? Et pourquoi sa mort lui causait-elle un si profond chagrin? Nous entendons souvent parler de veuves très gaies, et la raillerie médisante du monde prétend que certaines femmes considèrent leur veuvage comme la compensation de tout ce qu'elles ont eu à souffrir pendant leur vie conjugale. Le monde est un railleur bien méchant. Nous nous attribuons mutuellement des vices dont nous ne sommes ni les uns ni les autres coupables. De quel droit accusons-nous notre prochain? Pourquoi vouloir faire les femmes pires qu'elles ne sont? Sans doute on trouve de temps en temps des exantypes, mais les Imogènes sont bien plus nombreuses. Nous en rencontrons à chaque pas, et Lady Scatcherd en était une, malgré la triste vie qu'elle avait menée. « Je crois, lui dit le docteur, que vous devriez envoyer chercher Louis à Londres. Nous lui avons envoyé une dépêche télégraphique aujourd'hui même, docteur. Mon pauvre garçon, que fera-t-il? Je ne serai jamais capable de le diriger, jamais, jamais. » Et toute la nuit elle gémit sur sa chaise, ne se levant que pour se rendre utile dans la chambre du malade. Sir Roger passa la nuit à peu près comme il avait passé la journée, sauf qu'il parut reprendre peu à peu connaissance. Le lendemain matin, on réussit à faire comprendre à M. Rothschild qu'il serait imprudent de sa part de négliger ses autres malades de Barchester, et vers midi le docteur Thorne prit aussi congé de Lady Scatcherd en lui promettant de revenir le soir. Sir Roger revint tout à fait à lui dans le courant de l'après-midi. Son fils était en ce moment auprès de son lit. Louis-Philippe Scatcherd, ou plutôt Louis Scatcherd, comme il est plus commode de l'appeler, était de l'âge de Frank Gresham, mais il eût été difficile de trouver deux jeunes gens plus différents en apparence. Quoique son père et sa mère fussent robustes, Louis était petit, maigre et d'un tempérament maladif. Frank était l'image de la santé et de la force, sans être cependant ce qu'on appellerait un homme précoce. Louis paraissait avoir 4 ans de plus que lui. On l'avait envoyé à Eton à l'âge de 15 ans, son père étant persuadé que c'était le meilleur moyen d'en faire un gentleman. Il réussit seulement à en faire le condisciple de gentleman. Louis avait plus d'argent pour ses menus plaisirs qu'aucun des nobles écoliers d'État, et grâce à son effronterie, il sut acquérir une certaine supériorité parmi ceux de son âge, parmi ceux-là même qui convenaient que le jeune Scatcherd n'était digne d'être leur compagnon que dans les parties de jeu de pommes ou de course en bateau. Les collégiens, sous ce rapport, sont au moins aussi exclusifs que les hommes et savent parfaitement distinguer les nuances des relations sociales. Louis Scatcherd trouvait beaucoup de camarades qui allaient volontiers avec lui dans son bateau jusqu'à Maidenhead, mais il n'y en avait pas un seul qui eût voulu lui parler de sa sœur. Sir Roger était très fier des succès de son fils et les encourageait de son mieux en invitant ses camarades à l'hôtel et en y dépensant un argent fou toutes les fois qu'il trouvait un moment pour l'aller voir à Eton. Mais bien que cette largesse fût assez agréable aux jeunes collégiens, elle ne l'était nullement au maître. À dire vrai, ni le père ni le fils n'étaient aimés de ses sévères mentors qui se virent bientôt forcés de se débarrasser de tous les deux. Louis leur en fournit l'occasion en se grisant 2 fois dans la même semaine. Il fut renvoyé, et quoiqu'on parlât longtemps de Sir Roger et de son fils, on ne les revit plus à Eton. Les universités étaient encore ouvertes à Louis-Philippe, et avant l'âge de 18 ans, il fut admis, en qualité de gentleman commoner, à celle de Cambridge. Comme il était fils aîné de baronnet et qu'il avait de l'argent à discrétion, il réussit à y briller pendant quelque temps. Y briller n'est pas précisément le mot. Les mêmes jeunes gens qui avaient partagé les dîners de son père à Eton et ses parties en bateau à lui avait maintenant trop d'expérience du monde pour rechercher sa société à Cambridge, surtout depuis qu'ils avaient revêtu la toge virile. Ils étaient aussi disposés qu'auparavant à passer gaiement le temps, peut-être même l'étaient-ils davantage, en raison de la liberté dont ils jouissaient, mais ils comprenaient la nécessité de la circonspection dans le choix de leurs compagnons de folie, de sorte que Louis Scatcherd fut reçu très froidement par ses anciens camarades d'Eton. Il réussit cependant à trouver des compagnons à Cambridge. Les riches en trouvent toujours, mais c'étaient des hommes aux sentiments vulgaires, dignes de s'associer aux grooms, dont ils ne se contentaient pas d'imiter le costume et qui regardaient les héros du turf comme ce que la création a produit de plus noble. Le père du jeune Scatcherd se vit bientôt obligé de mettre un frein à ses excès. Mais ce n'était plus chose facile. En diminuant sa pension, il le poussa à faire des dettes, et comme il ne manque pas de capitalistes disposés à prêter de l'argent au fils du riche millionnaire, Sir Roger n'eut d'autre alternative que de retirer son fils de l'université après un séjour de 18 mois. Que pouvait-il en faire? Il était malheureusement inutile de songer à lui faire embrasser une profession. Les jeunes rejetons de la noblesse ont leur devoir tracé d'avance, tout comme les ministres en herbe et les avocats au maillot. Leur carrière est ouverte devant eux, et bien qu'ils puissent s'y fourvoyer, ils ont toujours la chance de rester dans les limites prescrites. On peut en dire autant des jeunes gens comme Frank O'Gresham. Ils sont assez nombreux pour former une classe distincte, mais quant à ceux qui sont dans la position de Louis Scatcherd, il est rare qu'ils entrent dans l'arène de la vie sous de favorables auspices. Le pauvre Sir Roger le comprit malgré les nombreuses entreprises de chemin de fer qui absorbaient presque exclusivement son attention. Lorsqu'il vit le visage pâle de son fils, lorsqu'il paya les mémoires des marchands de vin, et quand il entendit parler de ses extravagances sur le turf, il comprit fort bien que cette conduite était indigne du fils d'un baronnet et de l'héritier d'une dizaine de 1000 livres sterling de rente. Mais comme il lui était impossible de le surveiller lui-même, il lui donna un gouverneur et le fit partir pour l'étranger. Louis et son gouverneur arrivèrent à Berlin fort peu satisfaits l'un de l'autre. Sir Roger reçut bientôt une lettre datée de cette ville, dans laquelle le gouverneur refusait de se charger plus longtemps de la tâche qu'il avait entreprise. Il n'avait, disait-il, aucune influence sur M. Louis Scatcherd, et il lui était impossible d'être le témoin d'une vie aussi déréglée que la sienne. Mais comme il n'avait pas le pouvoir d'obliger M. Louis Scatcherd de quitter Berlin, il resterait, disait-il, jusqu'au moment où Sir Roger lui ferait connaître ses intentions. Celui-ci se vit donc contraint de quitter les immenses travaux que le gouvernement l'avait chargé d'entreprendre sur la côte méridionale du pays et de se rendre en toute hâte à Berlin. Louis Scatcherd n'était pas un sot, et sous certains rapports, il aurait facilement tenu tête à son père. Sir Roger menaça de le déshériter, mais Louis, avec une humilité mêlée d'effronterie, lui rappela qu'il ne pouvait disposer du titre qui était héréditaire. Il lui promit de se mieux conduire à l'avenir, mais il déclara n'avoir fait que ce que font la plupart des jeunes gens riches et donna à entendre à son père que son gouverneur n'était qu'un âne. Le père et le fils retournèrent ensemble à Boxall Hill, et 3 mois plus tard, Louis s'installait seul à Londres. Là, il mena une vie, sinon plus régulière, du moins plus convenable en apparence. Il n'avait plus de mentor pour le surveiller ou porter plainte de sa conduite, et il eut assez de bon sens pour ne pas se ruiner entièrement. Il est vrai qu'il vivait dans un milieu où les fripons n'avaient que trop souvent l'occasion de l'exploiter. Mais, tout jeune qu'il était, il avait acquis à ses dépens assez d'expérience pour ne pas se laisser voler ouvertement, de sorte que son père était encore fier de lui jusqu'à un certain point. Mais bientôt arrivèrent des nouvelles bien propres à percer le cœur de Sir Roger, nouvelles qui révélaient chez le fils un vice que le père ne pouvait attribuer qu'à son propre exemple. 2 fois la pauvre mère fut appelée auprès du lit de son enfant, en proie à cet horrible délirium tremens, par lequel l'intelligence outragée se venge sur le corps, et 2 fois, le père s'entendit déclarer que la continuation d'une pareille vie amènerait une mort prématurée. Il est facile de comprendre que Sir Roger n'était pas un homme heureux. Que de réflexions pénibles il devait faire, lorsque couché et d'une bouteille d'eau-de-vie sous son oreiller, il se disait que son fils avait aussi sa bouteille d'eau-de-vie sous le sien. mais ce n'était pas un homme à parler longuement de ses chagrins. Quoiqu'il ne pût surmonter ses penchants, ni ceux de son fils, il savait supporter son malheur en silence, et il le supporta jusqu'au moment où, averti de l'approche de la mort, il se laissa enfin aller en dire quelques mots au seul ami qu'il eut ici bas. Louis Scatcherd n'était pas un sot. Il n'avait pas non plus des sentiments naturellement dépravés, mais il recueillait les fruits de l'éducation qu'il avait reçue. Il y avait des moments dans sa vie où il sentait qu'une carrière, plus noble et plus heureuse que celle qu'il avait choisie, était ouverte devant lui. De temps à autre, il se prenait à réfléchir aux avantages qu'aurait pu lui donner le rang et la fortune. Il écoutait avec une certaine émotion le récit des belles actions des jeunes gens de son âge. Il rêvait des joies tranquilles, une jeune et charmante épouse, une maison où il put inviter des amis qui ne seraient ni des ivrognes ni des jockeys. Mais ses rêves, auxquels il se laissait aller dans ses courts moments de tempérance, ne servaient qu'à l'attrister. Tel était le meilleur côté de son caractère, mais le plus mauvais était probablement celui qu'il mettait le plus en relief, par cela même qu'il n'était pas un sot. Il y aurait eu plus de chances de pardon pour lui dans ce monde et peut-être dans l'autre, s'il en eût été autrement. Mais Louis Scatcherd n'était pas un homme à s'en laisser imposer. Personne mieux que lui ne connaissait la valeur d'un shilling et ne savait mieux que lui garder ou dépenser à propos son argent. Il fréquentait la société des escrocs et autres individus du même acabit, parce que les escrocs étaient de son goût, mais il se plaisait à se dire et à répéter à ceux qui l'entouraient que les sangsues qui s'attachaient à lui ne pouvaient lui tirer que très peu de sang. Il savait dépenser son argent libéralement, mais de manière à en recueillir tous les bénéfices. Il devenait peu à peu artificieux et sournois, le digne émule en un mot des êtres dépravés avec lesquels il vivait. Son extérieur répondait assez bien à son caractère. Petit de taille sans être difforme, d'une maigreur peu naturelle, résultat de sa vie dissipée, mais dont il aimait à se vanter, parce qu'elle lui permettait, disait-il, de se présenter pour les concours du turf comme ne pesant que les 500 livres anglaises voulues, sans être obligé de se mettre à la diète des jockeys. Il avait les cheveux roux foncés, des moustaches d'une nuance un peu plus claire, et il portait une longue barbe également rousse, dont la coupe lui donnait l'air d'un Américain. Sa voix avait aussi l'intonation nasillarde de celle du Yankee, et tenait tout à la fois de la voix du marchand américain et de celle du groom anglais. Ses yeux étaient fixes et perçants, son regard froid et rusé. Tel était le fils que Sir Roger trouva à son chevet lorsqu'il reprit connaissance, mais il ne faut pas croire qu'il le jugea tel que nous venons de le dépeindre. Pour lui, c'était son fils unique, l'héritier de son titre et de sa fortune, le souvenir vivant du temps où il avait été plus pauvre, il est vrai, mais plus heureux. Quoi qu'il fût, bon ou mauvais, Louis était tout pour son père, et Sir Roger espérait encore, quoique personne n'espérât avec lui. Lady Scatcherd avait aussi pour son fils toute la tendresse dont une mère est susceptible, mais Louis avait toujours eu honte de sa mère et s'en était tenu éloigné autant que possible. Aussi éprouvait-elle pour Frank Gresham, son nourrisson, une affection peut-être plus vive. Elle le voyait rarement, mais quand elle le voyait, Frank ne refusait jamais son baiser affectueux. Puis il y avait chez lui une gaieté, une franchise, une vivacité juvénile qui le rendait cher à tout le monde, surtout aux femmes, et sa nourrice le regardait comme le plus beau joyau de la création. Quoiqu'elle se mêlât rarement des affaires pécuniaires de son mari, elle s'était hasardée une ou deux fois à lui donner à entendre qu'elle serait très heureuse s'il laissait un legs au jeune squire. Mais dans ces occasions, Sir Roger n'avait pas paru très désireux de contribuer au bonheur de sa femme. « Ah, Louis, est-ce vous ?» murmura Sir Roger d'une voix éteinte, et malgré sa faiblesse, il réussit à tendre la main à son fils. « Allons, ça va déjà mieux, père, » dit Louis Scatcherd. « D'ici 2-3 jours, vous serez tout à fait rétabli. » Son père sourit tristement. Il savait que jamais il ne se rétablirait. D'ailleurs, il ne se sentait pas disposé à parler en ce moment. Il se contenta donc de garder la main de son fils dans sa main droite. Il resta un moment tranquille, puis, se tournant péniblement sur le côté, il glissa la main gauche sous son oreiller. Mais Sir Roger était enfin trop faible pour être encore le maître chez lui. Il se trouvait enfin, bien que trop tard, sous la tutelle des médecins. La bouteille d'eau-de-vie avait été retirée. Lady Scatcherd entra sur ces entrefaites et voyant son mari revenu à lui, elle ne put s'empêcher de croire que le docteur Thorne s'était trompé et qu'il y avait encore quelque espoir. Elle se jeta à genoux auprès du lit en fondant en larmes et, prenant la main de son mari, elle la couvrit de baisers. « Allons donc, » dit Sir Roger d'un air ennuyé. La pauvre femme ne se laissa pas longtemps aller à l'intensité de ses sentiments, et elle se mit aussitôt à préparer la potion que les médecins avaient ordonnée pour le moment où le malade reprendrait connaissance. Elle apporta une tasse et lui fit avaler quelques gouttes, mais il ne tarda pas à faire comprendre qu'il ne pouvait se contenter d'un breuvage aussi insipide. « Une goutte d'eau-de-vie, rien qu'une goutte !» dit-il d'un ton moitié impérieux, moitié suppliant. « Oh, Roger !» dit Lady Scatcherd. « Seulement une petite goutte, Louis !» dit le malade en s'adressant à son fils. « Apportez la bouteille, ma mère, une petite goutte lui fera du bien !» Après une légère altercation, la bouteille fut apportée et Louis, d'une main qu'il croyait très parcimonieuse, versa environ la moitié d'un verre d'eau-de-vie dans la tasse. Malgré son extrême faiblesse, Sir Roger réussit à pousser le bras de son fils qui en versa beaucoup plus qu'il n'en avait l'intention. « Oh oh oh !» fit Sir Roger en riant, et il but sa dose de poison avec avidité.